Maman, maman, maman, maman, elle ne veut tellement rien faire qu'elle est grosse comme une vache. Maman, elle ne veut tellement rien faire qu'elle ne peut plus se remuer. Elle est devant sa télé en train de s'engraisser. Ne sort pas de chez elle, n'aime pas se promener. Maman, elle veut tellement rien faire qu'elle est grosse comme une vache. Maman, elle ne veut tellement rien faire qu'elle ne peut plus se remuer. Elle aime les petits quand c'est vraiment tout petit, mais dès qu'ils grandissent, elle les haït. Mais elle m'a fait comprendre qu'il n'y a que la haine qui entretient, qu'il faut gaspiller pour mieux régner, qu'il faut toujours être contre avant d'être attaqué. Maman, elle ne veut tellement rien faire qu'elle est grosse comme une vache. Maman, elle ne veut tellement rien faire qu'elle ne peut plus se remuer. Elle m'a pourri la vie, et puis la sienne aussi, celle de son mari, et bien d'autres aussi. Il faut mieux être loin, ne pas l'avoir connue. Au début, j'avais pitié, c'est pour ça que je suis resté. Maintenant je la déteste, je voudrais la voir crever. Oh, que c'est pathétique, que c'est dramatique, que c'est pathétique, que c'est dramatique. C'est quand même un peu troublant d'avoir des parents si chiants. C'est quand même malheureux de ne pas être plus con qu'eux. C'est aussi différent que d'avoir des parents méchants. Maman, elle veut tellement rien faire qu'elle est grosse comme une vache. Maman, elle ne veut tellement rien faire qu'elle ne peut plus se remuer. Oh, c'est bien elle qui veut. 1, 2, 3, 4. Quand j'étais petit garçon, maman m'en traitait de con. Maintenant que je suis grand, que j'ai grandi, que je porte des caleçons, ma maman me dit que je suis qu'un vieux con. Oh oh oh oh. Pour moi c'est pas facile, oh oh oh oh. Pour moi c'est difficile, oh oh oh.